Lord Verville par Guy de Charnassé. Chapitre 1er. J'étais en 1800 et quelques professeur de philosophie à l'école normale de Paris quand je reçus une invitation de me rendre tel jour à telle heure au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Ne connaissant pas sous au personnage et n'en ayant sollicité aucune audience, je fus très surpris d'être mandé par lui. Mon étonnement augmenta encore lorsqu'introduit dans son cabinet, il m'adressa les paroles suivantes. Notre ambassadeur à Londres, monsieur, me prit de lui adresser un homme, jeune encore, mais d'autorité, intelligent et de tact, capable de faire l'éducation du fils d'une pairesse d'Angleterre, veuve et immensément riche. On demande qu'il appartienne à la religion protestante, qu'il sache parler l'anglais, monter à cheval, et que son instruction soit solide et variée. Je me suis adressé, monsieur, à mon collègue de l'instruction publique qui vous a désigné comme l'un de nos jeunes professeurs les plus distingués, ajoutant que vous étiez orphelin, sans fortune, d'une santé délicate, et que vous aviez coutume de faire de l'exercice à cheval. Ma proposition vous agrée-t-elle? Je demandai au ministre la permission d'y réfléchir, et l'ayant fait, je m'embarquai pour l'Angleterre au mois d'août, porteur d'une lettre de son Excellence pour notre représentant dans ce pays. 8 jours plus tard, j'arrivai à la demeure seigneuriale de Lady Fairville, dans le comté de Norfolk. Un mail coach, envoyé à mon intention, m'avait amené ainsi que mes bagages de la station de Norwich à travers un parc immense. Fairville Castle me parut une construction toute récente, bien que bâtie dans un style gothique bâtard, cher aux Anglais. L'ancien manoir, composé d'une vieille tour démantelée et de quelques pans de murailles couverts de lierre, servait de point de vue au nouveau château. Un nombreux personnel de valets en livrée se leva à mon entrée dans le vestibule, d'où une sorte de majordome m'entraîna vers l'appartement qu'on me destinait. Ce vieillard m'annonça que Lady Fairville me recevrait dès que j'aurais achevé ma toilette. Il me désigna le domestique, déjà occupé de mes malles, comme devant être spécialement attaché à ma personne, et disparut. 1 heure après, j'étais introduit près de Lady Fairville. C'était une personne d'environ 35 ans, grande, mais d'une apparence délicate, dont les cheveux gris envahissaient déjà la tête jadis blonde et dont les yeux d'un bleu pâle reflétaient une tristesse profonde. « Monsieur, me dit-elle en français, je désire trouver en vous en même temps qu'un gouverneur instruit, un guide sûr, je dirais presque un ami pour mon fils. Je sais que vous avez été nourri à l'école de l'adversité et qu'il ne vous reste dans le cœur aucun sentiment de haine pour l'humanité ou de révolte envers Dieu. Qu'enfin, vous avez un caractère doux et loyal. Je vous confie donc mon fils, ma seule affection en ce monde, enfant de 10 ans, qui ne m'a jamais quitté depuis sa naissance, que j'ai nourri de mon lait et soigné de mes propres mains, sans qu'aucun serviteur de l'un ou l'autre sexe l'ait approché. Jamais il n'a mis le pied dans une nurserie. Il couche dans ma chambre et y restera jusqu'au jour où vous m'aurez donné l'assurance de rester près de lui jusqu'à sa majorité, époque où vos sentiments réciproques décideront de vos résolutions. Vous essaierez de faire de mon fils un homme capable de gouverner ses propres affaires et celles de son pays. Mais je tiens, avant tout, qu'il agisse en chrétien, en homme, plaçant l'idée religieuse au-dessus de toutes les spéculations de l'esprit, et qu'il élève l'amour de sa patrie au-dessus de toutes les considérations. Je veux, en un mot, que mon fils soit un véritable Anglais. Je vous laisse absolument libre de diriger ses études selon vos vues. L'heure du dîner nous réunira, et nous passerons ensemble la soirée. Toutefois, pendant ce temps, il vous sera loisible de vaquer à vos occupations personnelles quand vous le souhaiterez. Je désire que vous seul, monsieur, vous présidiez à sa toilette, que les domestiques n'y soient point admis et qu'aucune familiarité ne s'établisse entre lui et les gens de la maison. Vous voudrez donc bien assister à son lever et à son coucher. Les exercices du corps sont nécessaires à la santé et à l'éducation de tout bon Anglais, et il n'en faudra négliger aucun. Gymnastique, natation, patinage, boxe, escrime et équitation. Ces différents sports, il les pratique déjà, sous ma direction, en même temps que les premiers éléments de l'instruction. Pour mener cette vie si remplie, si occupée d'intérêts qui ne sont pas les vôtres, pour accomplir le mandat sacré d'élever et de former un homme, sans jamais, à aucune heure du jour et de la nuit, le confier à des mains étrangères, il faut un dévouement à toute épreuve, une volonté ferme, un cœur compatissant à nos faiblesses, à nos misères humaines. Si vous vous sentez la force d'entreprendre cette tâche, dans toute sa rigueur, dans toute son étendue, sans autre souci dans la vie, oubliant vos affections passées, disant adieu, non pas à votre famille, puisque vous n'en avez plus, mais à votre pays. Renonçant à toute idée de mariage, je vous le répète, monsieur, je vous confie mon enfant. Mon homme d'affaires vous comptera chaque année, au terme que vous souhaiterez, 2000 guinées. Je vous assure en outre 10 000 livres sterling le jour où mon fils entrera dans sa 21e année. S'il peut vous dire, je remets cette somme à l'ami de ma première jeunesse. Lady Ferville, ayant prononcé ces paroles sans avoir détaché son regard du mien, regard pénétrant mais bon, je lui fis le serment d'agir en honnête homme, de me dévouer exclusivement à son enfant si toutefois celui-ci acceptait cordialement mes soins, mes conseils et mes leçons. La marquise, se levant alors, me tendit la main et, s'avançant vers une porte placée non loin d'elle, l'ouvrit et appela son fils que j'aperçus dans la bibliothèque devant un livre. « Harry, dit-elle, voici votre gouverneur, l'ami dont je vous ai souvent parlé, celui qui est destiné à remplacer près de vous votre père. Il vous aimera beaucoup et vous aussi, Harry, vous aimerez beaucoup, monsieur Clinchamp. C'est avec lui que vous travaillerez désormais, que vous vous promènerez à pied et à cheval, car je vieillis et me fatigue trop facilement pour continuer à vous accompagner toujours. Maintenant, Harry, montrez l'écurie à monsieur Clinchamp et tout spécialement mes deux hacks et mes deux hunters. Je renonce à monter à cheval et cède à votre gouverneur ces pauvres bêtes, si douces, si sages, et qui, j'en suis certaine, feront bon ménage avec la philosophie. » Ce dernier mot fut le seul que Lady Ferville prononça en souriant. Jusque-là, elle parlait avec une lenteur et un sérieux plein de mélancolie. Elle n'avait pas manqué de me considérer attentivement à l'entrée de son fils dans le salon, tâchant ainsi de surprendre l'impression qu'il me causerait.